Section 21 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 21. La ponctuation. Écoute, mon petit papa, je sais maintenant toute ma grammaire et je fais des phrases qui sont très bien. Si tu veux, je te ferai une lettre, une grande, que le facteur t'apportera. Tu me donneras un timbre pour mettre dessus. C'est cela, et je te répondrai. Et le facteur t'apportera aussi ma lettre. Cela va bien nous amuser. Mais pour écrire une lettre, il faut encore savoir la ponctuation. Est-ce bien difficile, la ponctuation ? Ce n'est pas difficile quand on fait attention. D'abord, à la fin de toutes les phrases, on met un point. On peut bien voir quand les phrases sont finies, c'est quand ce qu'elles voulaient dire est fini. S'il y a une exclamation « Ah, que je suis contente !» au-dessus du point, on met une barre comme cela. Point d'exclamation. Si c'est une interrogation, « Es-tu contente ?» on tourne la barre en crochet comme cela. Point d'interrogation. La virgule, le point et virgule et les deux points se mettent entre les différentes parties de la phrase selon qu'elles se séparent plus ou moins du reste. Ne prends pas un air si malheureux. On t'expliquera cela à mesure en te faisant lire tout haut. Il faut s'arrêter un peu quand on arrive à une virgule, un peu plus au point et virgule, plus encore aux deux points, tout à fait quand c'est un point. Maintenant, Mademoiselle Lily peut écrire une lettre à son papa. C'est pourtant bien avantageux de savoir la ponctuation. Fin de la section 21, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021.